Activité 7, page 37, piste 27. A. Rien. B. Gare. C. Rue. D. Personne. E. Surtout. F. Fermé. G. Vert. H. Dehors. I. Bonjour.